Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop. Aujourd'hui, un terrible complot. En pleine opération, Clay, un riche héritier, revient à lui et prend conscience de sa situation. Mais paralysé et privé de ses sens, il ne peut se faire entendre. Dans cet état, il réalise qu'il est victime d'un complot. Son destin tout tracé est remis en question à jamais. Ouvre les yeux et regarde autour de toi. Tu crées sans arrêt des emplois. Tu sauves des sociétés. Tu possèdes la moitié de cette ville. Approche. Familiarise-toi avec le bloc. Allonge-toi. Quand je t'ouvrirai la poitrine, il existe vraiment une forte probabilité que tu vives tes derniers instants sur cette table. Il faut que tu t'y prépares. Maintenant, comptez à rebours en partant de 10. 10 ? Il dort comme un bébé. Attendez, je devrais pas dormir profondément ? Tout le monde est sur le coup ? Je vous entends toujours ! Alors on se lance. Il y a un truc qui va pas ! C'est pas normal, je vous entends encore ! Je suis pas sûr de pouvoir le faire. Détends-toi, personne ne te dira encore. C'est quoi cette histoire? Il se doute de quelque chose. Une injection dans le cœur, le remet en place, ni vu ni connu. Oh merde. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Tout va bien, il faut pas rester. Ils essayent de me tuer. Awake, un film de Joby Harold avec Hayden Christensen, un DVD Wildside.